L'actualité à Nancy et ailleurs. L'expo-vente printanière Haut la main, organisée par la FREMA, Fédération des métiers d'art d'Alsace, revient pour une cinquième édition à la Halle Gruber à Obernai du 13 au 15 mai. Donc c'est tout proche. Trois jours pour découvrir des créateurs d'exception. Séverine Manouvrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet pour la Fédération des métiers d'art d'Alsace. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous réserve cette cinquième édition de l'expo-vente Haut la main ? Alors cette année, nous sommes ravis d'accueillir une quarantaine de professionnels des métiers d'art qui viennent donc présenter au public leurs créations contemporaines, donc présenter leur travail au public. Parmi ces créateurs, nous accueillons toujours un bon tiers de professionnels qui viennent pour la première fois, donc on propose toujours de la nouveauté puisqu'on a un public assez fidélisé. Chaque année, vous pouvez découvrir des nouvelles créations, des nouveaux créateurs, que ce soit dans le domaine de la sculpture, des bijoux, des arts de la table, du luminaire, du mobilier, de la céramique ou des arts graphiques. Donc il y a une très très belle diversité qui reflète vraiment l'excellence des métiers d'art aujourd'hui. Une quarantaine d'exposants qui sont tous originaires du Grand Est ou d'un peu plus loin ? Alors on a une majorité d'artisans qui sont effectivement installés dans le Grand Est, mais on en a d'autres qui viennent également de partout ailleurs en France, de l'Ouest, de la région parisienne, mais la majeure partie provient du Grand Est. Alors, est-ce qu'il y a une thématique pour cette cinquième édition ? Alors non, on veut ouvrir vraiment cette exposition à tous les métiers d'art pour montrer vraiment la richesse et la diversité qui peut être proposée. Il y a différents domaines d'activité qui sont représentés, mais la ligne éditoriale est vraiment concentrée sur la création contemporaine. On présente, si vous voulez, des savoir-faire traditionnels qui sont au service de la création contemporaine. Alors vous dites qu'il y a à peu près un tiers des artisans qui sont renouvelés. Parmi les pratiques et les arts présentés, est-ce qu'il y a des choses un peu originales aussi ? Bah oui, forcément, chacun a son expression singulière. En termes de métiers un petit peu différents, on accueille pour la première fois Marion Vannerie d'Exploration, qui est vannière. La vannerie revient beaucoup au goût du jour, dans une expression très contemporaine. On a également une sculptrice d'objets en papier, qui a été choisie d'ailleurs pour être présentée sur l'affiche de l'exposition. Donc, elle réalise des objets en papier avec un savoir-faire vraiment très, très précis et méticuleux. On a également des graveurs, sérigraphes, une mosaïste qui réalise des sculptures en ardoise qui sont absolument magnifiques. Un sculpteur béton, Véro Reaton, béton de culture. Et parmi les jeunes talents, on a une créatrice de chaussures et bijoux en cuir qui présentera une collection très originale. Parce que chaque année, vous accueillez aussi cinq jeunes talents que vous mettez en avant lors de cette expo-vente. À chaque édition, on réserve un espace à cinq jeunes professionnels qui sont en lancement d'activité, donc qui viennent de s'installer. Et donc cette année, on a cinq jeunes femmes, une bijoutière, une tisserande, une céramiste, donc notre créatrice de chaussures Giro, et Tilco, qui est designer matière, qui recycle des fibres textiles pour en faire des bijoux assez surprenants et très très beaux. Et comment vous les sélectionnez, ces jeunes talents ? C'est eux qui font appel à vous ou c'est vous qui allez justement à leur rencontre ? Ça peut être les deux. Il y a des professionnels qui répondent à notre appel à candidature, ou alors si nous, de notre côté, on repère des jeunes artisans aux talents prometteurs, on va les contacter directement pour leur proposer de participer et ils sont invités. Donc c'est un petit coup de pouce que la FREMA souhaite donner à ces nouveaux artisans. Haut la main, c'est trois jours, c'est à partir du 13 mai. Donc ça se passe toujours à la Halle Gruber, dans un cadre assez singulier. Tout à fait. Donc les stands sont installés sous la Halle Gruber, donc sous une magnifique halle qui est couverte mais qui du coup reste en plein air, donc c'est très agréable à l'arrivée des beaux jours. Donc cette Halle Gruber se situe sur le parking des remparts, donc il y a une facilité d'accès et de stationnement très appréciable. Et donc l'exposition ouvre vendredi à partir de 14h jusqu'à 19h et est ouverte en continu le samedi et le dimanche à partir de 10h jusqu'à 19h le samedi et 18h le dimanche. Et l'entrée est 2€ et c'est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants, c'est ça ? Voilà, c'est ça, et elle est gratuite jusqu'à samedi 14h. On tient à créer un événement chaleureux et convivial. Donc on a invité également un food truck, ce qui permet aux visiteurs de manger sur place et de passer un moment en famille tout à fait sympathique. Et pour retrouver toutes les infos, le site internet de la Fréma peut-être ? Tout à fait, toutes les infos sont sur le site www.frema.com. Et je tiens à préciser aussi que cette exposition est organisée par la même association qui organise le Salon Résonance, le Salon européen des métiers d'art. Donc, pour tous ces amateurs des métiers d'art qui connaissent bien ce salon, ils peuvent retrouver des artisans qui présentent leur travail à Résonance, qui est un gage de qualité. Donc, les professionnels présents ont un haut niveau de savoir-faire. Merci beaucoup, Séverine Manouvrier. Ben, je vous en prie, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.